C'est un sigle qui a surgi à la fin des années 1990, le GSPC, groupe salafiste pour la prédication et le combat. Une organisation terroriste et islamique qui serait aujourd'hui affiliée à Al-Qaïda. À tel point que le GSPC s'appelle aujourd'hui Al-Qaïda Maghreb Islamique. C'est en tout cas ce que révèle un communiqué de l'organisation diffusé fin 2006. Réalité ou propagande? Monsieur X, qui la semaine dernière est remonté aux origines du GSPC, va revenir sur cette question. Il est en effet constant, a affirmé mon interlocuteur, que l'histoire du terrorisme algérien est jalonnée de manipulations opérées par le pouvoir et spécifiquement par l'ancienne sécurité militaire devenue le puissant DRS, département du renseignement et de la sécurité. Ainsi en a-t-il été en particulier lors des attentats qui ont frappé la capitale française en 1995 et qui ont été officiellement revendiqués par le ou les GIA algériens. Des structures terroristes, souvent infiltrées par les services secrets et qui ont ensuite donné naissance au GSPC. Alors, justement, ce groupe salafiste, qui serait inféodé à Ben Laden, pourrait-il être lui aussi pénétré par le DRS? Et pourquoi? Aurait-il décidé de perpétrer une nouvelle vague d'attentats alors que l'Algérie semblait connaître un répit après une guerre civile qui a causé la mort de presque 200 000 personnes? Existerait-il réellement une volonté islamique de faire du Sahel un nouvel Afghanistan comme le prétendent les Américains? Enfin, quelles sont les implications économiques d'un combat antiterroriste où les États-Unis entendent désormais occuper la première place? Les réponses dans un instant avec Monsieur X. C'est en 2003 que le GSPC fait réellement parler de lui. Et vous vous souvenez sans doute de cette importante prise d'otage dans le désert du Sahara algérien. On va y revenir. Mais auparavant, même si on en a peu parlé en janvier de cette même année, un groupe armé attaque un convoi militaire près de Batna. Le bilan est très lourd. Plus de 40 soldats algériens sont tués. C'est un certain Saifi Lamari qui aurait dirigé le commando du GSPC. Un homme qu'on désigne plutôt par son surnom, El Para. Le Para, quoi. Oui, parce qu'il a été effectivement parachutiste dans l'armée algérienne. Il aurait aussi, au début des années 90, été le garde du corps du ministre de la Défense, le très influent général Nezar. Puis, il aurait démissionné et serait passé dans la clandestinité. Oui. Beaucoup de conditionnels, là, dans notre récit. Car le flou est de rigueur, mais enfin, passons. El Para rejoint alors le GSPC, dont l'émir, comme on dit dans ces mouvements islamiques armés, est alors Hassan Attab. Un ancien du GIA. Hein, et El Para serait devenu son second. Quoi, à cause de son expérience militaire? Vraisemblablement. Mais on reparlera de cet homme, car on peut se poser à son propos de nombreuses questions. Ce qui est notable dans cette violente et sanglante attaque, c'est qu'elle est intervenue à la veille de l'arrivée à Alger d'une importante délégation militaire états-unienne chargée d'explorer avec les autorités algériennes les conditions de la lutte antiterroriste. Oui, éventuellement de consentir des aides dans cette lutte. Évidemment. Par conséquent, si Alger voulait montrer qu'il n'en avait pas fini avec le terrorisme, cette attaque contre un convoi de l'armée est tombée à pic. Hein. On ne peut pas ne pas relever cette coïncidence. Autre bizarrerie, El Para, toujours lui, revendique l'attaque dans un enregistrement vidéo où il se présente comme étant un lieutenant de Ben Laden, chargé d'implanter une structure Al-Qaïda dans le Sahel. Alors ça, c'est comme agiter un chiffon rouge devant ces Américains qui vont débarquer à Alger. Exactement. Seul problème, on pourra ensuite démontrer que cet enregistrement est un faux. Alors, qu'en concluez-vous? Eh bien, ce n'est pas trop difficile. Si on avait voulu impliquer les États-Unis dans cette question, on n'aurait pas agi autrement. Et quand vous parlez de cette question, il s'agit, n'est-ce pas, de la lutte antiterroriste en Algérie et au Sahel? Mais la grosse prise d'otage dont je vous ai parlé va intervenir tout de suite après. Et là encore, c'est El Para qui est au centre de cette affaire. Je résume. En mars 2003, 32 touristes, dont beaucoup d'Allemands, sont enlevés alors qu'ils effectuaient une randonnée au Sahara. Et c'est à cette occasion qu'on va vraiment entendre parler du GSPC. Hein. Exactement. Et à l'époque, c'est une entité parfaitement mystérieuse. À Alger, on évoque un maquis islamiste qui agirait au Sahara. Et ça paraît tout de suite assez irréaliste. Pour quelle raison, Bon, y a des lieux plus hospitaliers que le Sahara pour constituer un maquis. Bon, à moins de disposer de moyens matériels considérables, véhicules, ravitaillement, moyens de transmission, etc. Et puis s'occuper d'otages aussi nombreux et se déplacer avec eux, bah, ça exige de solides structures, surtout dans un milieu aussi hostile. Donc vous pensez que derrière cette prise d'otage, il y a une organisation importante ? Ça me paraît évident, parce que cette prise d'otage semble interminable. Des semaines, des mois. Le premier groupe est libéré au mois de mai. Et le deuxième ne le sera que beaucoup plus tard, en août. Et des rançons ont été versées. Hein. En effet, des millions de dollars. Mais on n'en saura pas beaucoup plus. Car toute l'affaire reste entourée de mystères et les otages libérés sont priés de ne pas donner de détails sur leur aventure. Ainsi, selon la version officielle, celle du gouvernement algérien, c'est l'armée qui aurait délivré le premier groupe de touristes. Mais dans quelles conditions ? On ne le sait pas. Il y a matière à s'interroger, car l'un des otages parlera quand même. Ah oui, et que raconte-t-il là ? Au lieu de se servir de leurs otages comme boucliers humains, les ravisseurs prendront au contraire la précaution de les protéger, à l'abri d'une grotte. Et à l'issue de l'assaut, quand les touristes sortiront, ils ne verront ni morts ni blessés. Alors que l'armée affirmera avoir tué 4 ravisseurs. Oui, je vois où vous en êtes, il y aura pu avoir une mise en scène, quoi. Un faux assaut, oui. Quant au deuxième groupe, le GSPC le libérera au nord du Mali, ce qui montre une nouvelle fois que les ravisseurs disposaient de moyens de déplacement importants. Alors, conclusion ? Il faut d'abord relever le communiqué officiel des autorités algériennes. Attendez, je l'ai quelque part, là, je crois. Ouais. L'affaire des otages européens confirme l'existence dans le Sahara d'un sanctuaire d'islamistes lié au grand banditisme. Ah oui, un sanctuaire d'islamistes. Et ça veut dire une implantation permanente. Et donc aussi une menace permanente pour tous les pays de la région. C'est exactement ce que je voulais souligner. Ensuite, on ne peut pas s'empêcher de s'interroger sur une importante contradiction. La création du GSPC, la rupture avec le GIA, s'est faite sur l'attitude à adopter vis-à-vis des civils. Oui, des civils auxquels il ne fallait plus toucher. Hein. Donc le GSPC ne pouvait pas, en principe, approuver une prise d'otage. Ouais, mais des dissensions au sein du GSPC ? Oh, c'est tout à fait possible, mais peut-être que les uns et les autres ne poursuivaient pas vraiment les mêmes objectifs, et les motivations n'étaient pas non plus les mêmes. Bon, n'allons pas trop vite. Oui. Et revenons sur cette affirmation de l'existence d'un sanctuaire islamiste au sein du Sahel. Quelques notions géographiques d'abord. Et pardon de vous infliger cette leçon, mais ça me paraît nécessaire. Oui, je vous écoute là. Le Sahel, ce nouvel Afghanistan, selon les Américains, est une vaste bande qui s'étend d'ouest en est, de l'Atlantique à la mer Rouge, et qui recouvre d'immenses territoires désertiques appartenant à la Mauritanie, à l'Algérie, au Mali, au Niger, au Tchad, et au Soudan, et même à la Somalie. Des pays, il faut tout de suite l'observer, qui sont généralement fragiles, et à l'exception de l'Algérie et du Soudan, ne possèdent pas d'armée forte et bien entraînée. En tout cas, pas d'armée susceptible d'assurer l'ordre sur des territoires aussi étendus. Mais autre particularité, la présence des nomades, Maure, Touareg, Toubou, et les heurts fréquents qui les opposent aux paysans sédentaires. Que comme au Darfour actuellement. Oui, oui, autre spécificité du Sahel, les trafics. Mais de quelle nature, hein ? Les armes, les voitures volées, les cigarettes et la drogue, bien sûr. Pour les nomades, les frontières n'ont pas d'importance. Enfin, il existe dans la plupart de ces pays des rébellions qui vivent justement de ces trafics et qui représentent de vrais facteurs de déstabilisation. Ce dont, il faut bien le dire, les grandes puissances ne se sont guère occupées, jusqu'au moment où l'on a commencé à parler de la présence d'islamistes dans ce vaste Sahel. Ouais, le GSPC. Et derrière ce mouvement, l'ombre d'Al-Qaïda. Ah, il est peut-être temps de me dire là, ce qu'il en est en réalité. Bon, je m'en suis déjà expliqué la semaine dernière. Je vous ai dit que n'importe qui pouvait se réclamer d'Al-Qaïda sans réel risque d'être démenti. Oui, parce que c'est une nébuleuse sans véritable centralisation. Et que pour de pures raisons médiatiques, l'étiquette Al-Qaïda attire l'attention. D'accord, mais vous ne répondez pas vraiment à ma question. Est-ce que, oui ou non, Al-Qaïda est présent dans le Sahel ? Eh bien, oui et non. Et oui, parce qu'on ne peut pas nier qu'une organisation comme le GSPC affirme maintenant être une branche de l'organisation de Ben Laden. Oui, parce que l'émir actuel du GSPC, Abdelmalek Droukel, est un ancien de la guerre en Afghanistan et qu'il est très probable qu'il a rencontré là-bas Ben Laden. Pure supposition. Hein. Malheureusement. Mais il en est ainsi de la plupart des informations touchant cette question. Tenez, on a aussi prétendu que ce Drukal aurait passé une sorte de contrat avec Al-Qaïda. Attends, quels sont les termes, là ? Drukal aurait accepté d'être le représentant d'Al-Qaïda au Maghreb à condition de bénéficier d'une large audience auprès des médias arabes, comme la télévision, Al Jazeera. Et pour cela, il comptait sur la popularité de Ben Laden, ou au moins son influence. Toujours ce besoin de médiatisation. Hein. Enfin, mais là encore, tout n'est pas clair. Ceux qui croient à une intrication étroite entre le GSPC et Al-Qaïda avancent cet argument. Ben Laden aurait envoyé au Sahel un émissaire d'origine yéménite, chargé de créer des cellules islamistes. Mais cet homme a été abattu en 2002 par les forces algériennes. Donc on n'en sait pas plus sur les véritables intentions de cet individu. Et c'est pourquoi j'ai employé à dessein le conditionnel. Mais d'autre part, on peut émettre de nombreux doutes. D'abord, les peuples du Sahel n'ont jamais été les tenants d'un islamisme radical. Donc ils seraient plutôt hostiles à une implantation d'Al-Qaïda sur leur territoire traditionnel. Je le pense. Mmh. Ensuite, je suis persuadé que le GSPC est essentiellement algérien et que sa création s'explique d'abord par les problèmes algériens et seulement algériens. Peut-être, mais enfin, n'empêche qu'il peut y avoir des connexions, non ? Bon, ça je ne le nie pas. Le GSPC peut à l'occasion servir de bras armé d'Al-Qaïda dans la région et même en Europe. Mais, et c'est là où je veux en venir, une organisation peut exister si, à l'extérieur, on désire vraiment qu'elle existe. Tenez, là, moi ça me paraît pas très clair, ça. Bon, alors je vous explique. Il m'apparaît simplement que beaucoup de gens ont très envie que Al-Qaïda soit présente dans le Sahel. Réellement ou fictivement ? Devinez. Les Nouveaux Mondes Rebelles, un ouvrage de Jean-Marc Balancier et Arnaud de Lagrange, publié chez Michelon, consacre un long article au Sahara et à la possible menace de Al-Qaïda. Après avoir constaté que le Sahel est bordé au sud par des États fragiles et instables, les auteurs affirment que la zone est propice au développement de groupes armés mobiles vivant dans la clandestinité, et ils poursuivent ainsi. Loin d'être vide, le Sahara est devenu un lieu de transit d'hommes et de marchandises à l'écart du regard des États. Certains villages proches des frontières sont devenus de véritables zones grises ou franches, ouvertes à toutes sortes de trafic d'armes, de voitures volées et de cigarettes de contrebande. Ces activités génèrent une criminalité et une insécurité importantes, d'autant plus que certains groupes ou mouvements, le MDJT tchadien, reste des mouvements rebelles Touareg au Mali au Niger, Front islamique armé de l'Azawad, Organisation de la résistance armée, Front de libération armée de l'Azawad, Polisario, Cavalier du changement, entre parenthèses, ex-putschiste mauritanien, contrôlent une partie de ces trafics pour se financer. Certains assimilent ces régions aux zones tribales du Pakistan et affirment qu'elles pourraient accueillir les bases arrières de réseaux pouvant toucher les pays méditerranéens et l'Europe. Alors, qui avait intérêt à présenter le Sahel comme un nouvel Afghanistan ? Et donc à accréditer la présence de Al-Qaïda là-bas ? Bah oui. C'est facile à comprendre. Ce sont les Américains qui ont récemment présenté la région comme étant le nouveau front de la guerre contre la terreur. Ben, ils ont été encouragés. Et je vous expliquerai comment et par qui. Quoi qu'il en soit, les États-Unis commencent à s'intéresser au Sahel assez peu de temps après le 11 septembre 2001. Oui, parce que la guerre contre le terrorisme devient alors une priorité absolue. Et même une obsession pour l'administration Bush. Une obsession qui dissimule bien d'autres intérêts, à commencer par la volonté d'en finir avec Saddam Hussein, quitte à mentir effrontément. Oui, sur les rapports qui auraient existé entre Ben Laden et Saddam Hussein. Et aussi sur l'existence des fameuses ADM, les armes de destruction massive. Enfin, cela pouvait aussi cacher de pures convoitises économiques. Le pétrole irakien, par exemple. Et justement, pour en revenir au Sahel, c'est aussi une région riche en hydrocarbures. On vient même de découvrir du pétrole en Mauritanie et au Mali. Et les Américains, qui ne veulent plus dépendre du seul pétrole moyen-oriental, en tout cas le moins possible, regardent avec beaucoup d'intérêt ces nouvelles ressources. Mais d'autant que le transport coûterait moins cher. Et éviterait le passage par des détroits dangereux. Et puis, leurs compagnies sont aussi très implantées en Algérie, où elles ne manquent pas une occasion de faire la nique aux Français. Donc, vous le voyez, la lutte contre le terrorisme n'est pas dénuée d'intentions beaucoup plus terre-à-terre. Alors, dès 2002, sous le prétexte d'aider ces pays à lutter contre la contrebande, les criminels internationaux et les mouvements terroristes, Washington signe des accords de coopération militaire avec le Mali, le Tchad, le Niger et la Mauritanie. Ah oui. Et mais concrètement, ça se traduit comment alors? Par l'élaboration d'un plan pour le Sahel et l'envoi de forces spéciales habituellement basées en Allemagne. Et le rôle de ces forces spéciales alors? Elles sont chargées d'entraîner les organismes de sécurité de ces pays. Entraînement aux armes, au maniement, des moyens de communication, à la formation de patrouilles. Et à cet effet, les États-Unis installent un camp dans le nord du Mali. Et comme ça ne semble pas suffire et que, du point de vue américain, la menace islamiste ne cesse de croître, ce premier plan est remplacé par un programme encore plus ambitieux et richement doté. L'initiative transsaharienne de lutte contre le terrorisme. Mais attendez, à part l'argent là, qui arrive en plus grande quantité, quelle est la nouveauté? D'autres pays sont associés à ce programme de coopération militaire. La Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Nigeria et surtout l'Algérie. Mais pourquoi insistez-vous là sur ce dernier pays? Parce que c'est aussi l'Algérie qui va le plus loin dans ce programme de coopération. C'est-à-dire? Selon des accords secrets, l'Algérie accepte l'édification d'une base militaire états-unienne au Sahara, près de Tamanrasset. Une base qui permettrait donc aux militaires américains de pénétrer dans le Sahara. Et en récompense de sa bonne volonté, l'Algérie voit les investissements américains tripler chez elle. Quoi, investissement dans le pétrole, le gaz Principalement, oui. Mais pas seulement. Transport, nouvelles technologies, pharmacie, et j'en passe. Et ça correspond à une volonté forte des dirigeants algériens qui veulent faire de leur pays la puissance la plus forte de la région. On assiste donc là à un rapprochement de l'Algérie avec les États-Unis. Incontestablement. Hein. Mais non sans habileté, le pouvoir algérien ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et lorsqu'il le faut, l'Algérie joue de la vieille rivalité entre la Russie et les États-Unis. Poutine est venu à Alger au printemps 2006. Et il a signé un énorme contrat de vente d'armement, le plus gros contrat militaire conclu depuis l'effondrement de l'Empire soviétique. Je crois qu'il y en a eu pour 6 milliards de dollars. Ah oui, quand même. Et ça consistait en quoi, là? Essentiellement d'achats d'avions de guerre, mais aussi de missiles antiaériens et de chars. Il s'agissait à l'évidence d'un signal adressé aux Occidentaux. Ah ouais, la démonstration que les Algériens avaient la possibilité de faire leur marché ailleurs qu'en Occident. Bien entendu. Ouais. Et le message concernait les Français, accusés de traîner les pieds dès qu'il s'agissait de livrer des matériels sophistiqués. Les Français, mais également les États-Unis, vers lesquels Alger regardait de plus en plus. Et ça correspond à la volonté du pouvoir algérien et des généraux de se refaire une sorte de virginité après les terribles dérives de la guerre civile. Oui, les disparus. Oui, tous ces types considérés comme des islamistes et qui ont vraisemblablement été supprimés. Par l'armée. Hein. Donc ouais. Il faut tourner la page. Afficher une nouvelle respectabilité, en finir avec la sale guerre et ses horreurs. Et c'est la première tâche que s'assigne le président Bouteflika dès son élection en 1999. Mais c'est le référendum sur la concorde civile. C'est ça. Bouteflika offre la paix des braves aux membres du GIA. Seuls les assassins et les violeurs échappent à l'amnistie. Et ça donne quoi alors? Comme il suffit d'une déclaration sur l'honneur pour bénéficier de l'impunité et même d'une prime de réinsertion, ils sont des milliers à sortir des maquis. Ce qui n'empêche pas leurs frères d'armes de continuer à massacrer des civils. Cette politique de repenti n'est par conséquent pas un vrai succès. C'est pourquoi une deuxième fois, en 2005, Bouteflika offrira, et toujours par référendum, une nouvelle possibilité de réconciliation. Et plusieurs milliers de détenus sont ainsi libérés. Ce qui ne laisse pas d'inquiéter parce que parmi eux, il y a des gens dangereux. Des assassins. Naturellement. Mais pour le pouvoir, ce grand coup d'éponge sur les crimes passés a au moins deux avantages. Non seulement il blanchit aussi les exactions commises par les forces de sécurité. Songez que désormais toute référence à la guerre civile est interdite, sous peine de sanctions. Mais il montre à l'opinion internationale que l'Algérie est devenue un pays fréquentable. Oui, mais attendez, est-ce que l'oubli peut se décréter? Bien sûr que non. Et c'est un historien que vous connaissez très bien, Benjamin Stora, qui a écrit à peu près ceci. L'amnistie n'a jamais engendré l'amnésie. Jolie formule, hein. En tout cas, ça oblige Bouteflika et les siens à faire une sorte de grand écart. Expliquez. D'un côté, il s'agit de prouver au monde qu'une Algérie nouvelle est née, un pays pacifié, plus respectueux des droits de l'homme et des libertés. Ce qui est encore douteux. Vous avez raison. Mais telle est la volonté du pouvoir. Et de l'autre côté, il faut obtenir que les Américains ne relâchent pas leurs efforts dans leur lutte contre le terrorisme. Des efforts qui doivent d'abord bénéficier à l'Algérie, autoproclamée gendarme de la région et désireuse d'être reconnue comme telle par Washington. Et pour réaliser cet objectif, il n'y a qu'une solution. Il faut attiser l'inquiétude des États-Unis. Revenons un instant sur le référendum de 2005. Référendum qui, selon José Garçon, journaliste à Libération et l'un des meilleurs connaisseurs de l'Algérie, a légalisé l'impunité. Dans un numéro de la revue Politique Internationale, paru à l'automne 2006, il écrit aussi « Indifférent aux critiques, le régime s'est appliqué à rendre matériellement impossible toute investigation. Un sérieux ménage a été fait au Centre territorial de recherche et d'investigation de Blida, qui fut un centre de torture et l'un des lieux de gestion de l'infiltration des groupes islamistes par les services secrets. Nombre de ces cadres ont été mutés et plusieurs de ces officiers, parmi les plus impliqués dans la répression, ont été promus au cours de l'été 2005. Reste à savoir si cette amnistie imposée à marche forcée par Abdelaziz Bouteflika est de nature à faire disparaître les rancœurs et les traumatismes accumulés au cours de plus de 10 ans de terribles violences. Car décréter l'oubli sans la moindre recherche de la vérité et un travail minimal de mémoire, a peu de chances de permettre à la société de se réconcilier avec elle-même. Comment en serait-il autrement quand les victimes croisent à tout moment ceux, terroristes ou militaires, qui furent leurs tortionnaires? Les amnisties n'ont jamais réussi véritablement à fabriquer de l'amnésie, rappelle l'historien Benjamin Stora, qui en veut pour preuve ce qu'on a vécu en France au lendemain de la guerre d'Algérie, où pas moins de 4 lois d'amnistie ont été votées. En Argentine, note-t-il, une série de lois d'amnistie n'a pas effacé les exactions commises par des acteurs étatiques que l'on envisage aujourd'hui de juger. En attendant, l'enfouissement des crimes du passé risque de déboucher sur des vendettas individuelles et collectives et surtout d'empêcher les Algériens de tirer une conclusion essentielle de la guerre civile. La violence n'a pas été et ne peut être une solution. D'ores et déjà, des vengeances sanglantes sont régulièrement signalées dans les régions où les affrontements et la répression furent les plus durs. Attiser l'inquiétude des États-Unis, avez-vous dit, mais attendez, comment? Je croyais que vous aviez compris. Il s'agit de montrer par l'exemple que le terrorisme existe toujours. Quitte à le susciter? Évidemment, comme dans les années 90. Mais si je vous ai bien entendu, là, c'est à double tranchant, parce que c'est aussi faire la démonstration que le pouvoir algérien n'arrive pas à éradiquer le terrorisme. Sans doute. Et c'est pourquoi on a évoqué Al-Qaïda. Car à la seule évocation du nom de l'organisation de Ben Laden, on sait que les Américains réagissent aussitôt. Alors, pour résumer, les services états-uniens seraient victimes d'une manipulation des Algériens. Je le crois, oui, ce qui ne veut pas dire que tous les attentats terroristes, dont on a récemment noté la recrudescence en Algérie, sont le fruit de cette intoxication. Mais manifestement, le DRS, département du renseignement et de la sécurité, a renoué avec ses vieilles habitudes. Avant de poursuivre, quand même, quelques précisions là sur cette recrudescence du terrorisme que vous évoquez. Ça commence vraiment en 2006. Au cours de l'année, le GSPC va revendiquer 100 d'opérations armées en Algérie. Le point d'orgue étant ces attentats meurtriers contre des commissariats ou des casernes. À l'été 2006, il y aura plus de 40 morts dans la banlieue est d'Alger. Et en avril dernier, le GSPC frappera un grand coup en s'attaquant au palais du gouvernement au cœur d'Alger. Hein. Et on comptera au moins 30 de morts et 10 de blessés. Et il faudrait aussi parler de l'apparition d'islamistes armés en Tunisie. Oui, mais éliminés avant d'avoir agi. Et aussi des attentats à Casablanca, des attaques suicides, tout à fait dans la manière d'Al-Qaïda. Alors, on pourrait en conclure à l'existence d'un cerveau qui aurait unifié le terrorisme maghrébin. Quoi, le GSPC, là, l'émanation d'Al-Qaïda? Oui, mais enfin là, j'ai des doutes. Et d'abord parce que cette thèse correspond un peu trop à ce que certains veulent à tout prix faire croire. Ouais, plus ou moins sincèrement. En effet. Ouais. Alors, qui sont-ils, ceux-là? Il y a d'abord les Faucons de Washington, mais ça ne vous étonnera pas. Et puis, il faut tenir compte du DRS algérien. Un service tout puissant, dirigé d'une main de fer par le général Médiane, qui est, après Bouteflika, le véritable homme fort du régime. Or, Bouteflika, malade et souvent absent de son pays. Et ça renforce encore le pouvoir de Médienne, qui a réussi à s'imposer à tous ces autres généraux qui mettent le pays en coupe réglée depuis tant d'années. Donc, selon vous, ce serait lui le grand manipulateur ? Je le pense. Et pour le prouver, je vous propose de parler à nouveau de ce mystérieux Saïfi Lamari, que l'on appelle El Para. Ah, l'initiateur de la prise des otages européens dans le Sahara. Oui. J'ai déjà évoqué son passé, parachutiste, fidèle homme de main des militaires. Il tombe brusquement kazakh pour rejoindre les islamistes. Et disons-le tout net, cette brusque conversion étonne ses amis qui voyaient plutôt en lui un bon vivant et même un fêtard. Autre point dont j'ai oublié de vous parler. Au cours de sa formation militaire, il aurait effectué un stage aux États-Unis dans ce fameux Fort Bragg qui a formé tant d'officiers spécialistes de la lutte contre la subversion. Ah oui, c'est un séjour qui ne l'encourageait donc pas à rejoindre la cause islamiste. Mais c'est la suite qui est intéressante. Début mars 2004, El Para et une cinquantaine de ses partisans sont attaqués et faits prisonniers par des rebelles tchadiens appartenant au MDJT, c'est-à-dire le Mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad. Ces hommes l'identifient rapidement comme étant ce dirigeant salafiste recherché depuis l'affaire des otages. Et alors, que veulent-ils faire de ce prisonnier hein ? D'abord, disons que ces tchadiens sont des laïcs, qui ne partagent donc pas l'idéologie d'El Para. Oui, cependant, c'est un rebelle, tout comme eux. Certes, mais c'est d'abord une belle prise. Oui, qu'ils pourraient monnayer. Pourquoi pas ? Et c'est El Para lui-même qui leur en donne l'idée. Il affirme qu'il connaît beaucoup de monde en Algérie et que ses amis pourraient payer très cher sa libération. Mais les Tchadiens ne veulent pas entrer dans son jeu. C'est avec le pouvoir algérien qu'ils veulent avoir affaire. Et effectivement, une délégation part pour Alger, où elle est reçue par le chef du DRS, ce fameux général Médienne. Mais là, grosse surprise, les délégués tchadiens ont la nette impression que les Algériens ne sont nullement pressé, ni même désireux, de récupérer El Para. Pourquoi alors ? Attendez la suite. Les Tchadiens, qui constatent au passage que les services algériens sont très au courant des pérégrinations d'El Para, ils possèdent même son numéro de téléphone cellulaire. Donc ils auraient pu facilement le localiser, là. Ça, c'est aussi ce que je pense. Mais les Tchadiens s'adressent donc ensuite aux Allemands, qui ont lancé un mandat d'arrêt international contre El Para. Après la prise d'otage. En effet. Il y avait parmi eux beaucoup de touristes d'outre-Rhin. Mais là encore, les Tchadiens ont l'impression que les Allemands n'ont guère envie de mettre la main sur El Para. L'explication Je suis à peu près sûr qu'ils ont subi des pressions d'Alger, qui leur promettaient depuis longtemps la signature d'un gros contrat. Et ça n'est pas fini. Désireux de se débarrasser de cet encombrant prisonnier dont personne ne veut, les rebelles tchadiens font appel à la Libye. Mais est-ce qu'il est livré effectivement à Kadhafi ? Franchement, je n'en sais rien, tant cette affaire est confuse. Par contre, ce qui est pratiquement certain, c'est qu'El Para est réellement arrivé en Algérie, sans doute vers la fin 2004. Il est donc alors dans les mains du DRS. Oui, il aurait été consigné dans une caserne de Blida, où toutefois il serait libre de ses mouvements. C'est de plus en plus bizarre. Ce n'est pas fini. En 2005, El Para est jugé. Mais comme il ne paraît pas à la barre, il est condamné par contumace. Pour le tribunal, il est considéré en fuite. Alors que, m'avez-vous dit, il est consigné dans une caserne algérienne. Et lorsque le ministre de l'Intérieur sera interrogé à ce sujet par des journalistes, bien embarrassé, ce représentant du gouvernement leur fera une curieuse réponse. Il ignore l'endroit où se trouve El Para, mais il sait qu'il est en sécurité. Notez-le bien, les Américains qui auraient pu, eux aussi, avoir d'intéressantes questions à poser à ce redoutable terroriste islamiste, ne demanderont pas la possibilité de l'interroger. Alors, mais vous avez bien sûr compris, une seule explication permet de dissiper tous ces mystères. Ah oui, El Para est un agent algérien. Un agent du DRS, oui. Et pour éviter qu'il ne soit désigné en tant que tel, il fallait le mettre à l'abri. Est-il encore en vie, là-bas ? Parce que c'est quand même un témoin gênant, Eh bien, désolé, mais je suis incapable de répondre à cette question. Quoi qu'il en soit. Il me semble que je vous ai prouvé que le GSPC était infiltré, sinon manipulé, par les services algériens. Alors, après vous avoir entendu, est-ce qu'on peut encore penser que le GSPC, représentant ou pas l'Al-Qaïda, est une menace pour la France ? Même dans l'hypothèse de la manipulation de certains éléments du GSPC par l'ancienne sécurité militaire, il ne faut pas oublier que les terroristes qui ont frappé la France en 1995 étaient eux aussi dans les mains de cette même sécurité militaire. Ah oui, alors par conséquent, ça pourrait se reproduire. Ah oui, si les tensions entre notre pays et l'Algérie persistaient. Ou bien si Al-Qaïda demandait à ses activistes du GSPC d'agir pour protester contre notre engagement militaire en Afghanistan. Pour les talibans et Ben Laden, nous sommes dans le camp des croisés. Donc, il convient d'être prudent, même s'il faut raison garder. Et surtout se méfier de ces simplifications hâtives et mensongères et ce climat de psychose qui sévit dès qu'on prononce le nom de Ben Laden. Quelques spécialistes, je pense aux journalistes français José Garçon et Jean-Baptiste Rivoire, pensent, comme M. X, que le GSPC est pénétré par le DRS algérien et mettent en doute les liens réels qui pourraient exister entre ce groupe terroriste et Al-Qaïda. Et ils sont même persuadés que c'est l'existence du GSPC qui justifie la présence américaine dans la région, présence militaire mais aussi économique et qui permet aux États-Unis de faire pièce aux intérêts français dans des pays qui nous étaient traditionnellement fidèles. Mais il faut reconnaître que d'autres experts mettent en doute cette thèse telle qu'elle a été exprimée par M. X et croient réellement à l'existence d'Al-Qaïda dans les régions sahéliennes. Un dernier mot. Des journalistes de Paris Match ont pu rencontrer El Para alors qu'il était prisonnier des rebelles tchadiens. Voici un extrait de leur article et de leur dialogue avec le dirigeant du GSPC. Après le dernier bivouac, on nous emmène sur une crête par un sentier emprunté par les chameliers. Plusieurs combattants masquent l'entrée d'une faille. Au fond, couché sur une natte, un homme attend, les mains serrées par des menottes. C'est lui. Nous sommes devant El Para. Il ressemble à une figure biblique à mi-chemin entre Jésus-Christ et Mahomet. Il mesure 2 mètres et doit peser 90 kilos. Ses yeux verts me dévisagent comme un aigle prêt à fondre sur sa proie. Il a le teint clair et des cheveux châtains. « Vous êtes prisonnier, vous n'êtes pas obligé de parler, » lui dis-je. À ma grande surprise, il accepte. « Nous sommes venus au Sahara car en Algérie, l'armée massacre nos frères. Nous y sommes depuis 1994. Nous vendons des voitures à des pauvres grâce à des allers-retours avec le nord de l'Algérie, » me dit-il comme pour justifier un trafic. « Pour nous, le Sahara est une base arrière. Notre objectif, c'est changer le régime grâce au djihad. » Nous sommes prêts à mourir pour cela. À noter aussi le livre de Jean-Baptiste Rivoire et Lounis Agoun, France-Algérie, crimes et mensonges d'État, paru à la découverte.